It will be 10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely. On démarre un petit peu différemment des us et coutumes avec quelques vieilleries. Je suis tombé sur un album que je ne connaissais pas, un remaster, une reprise par l'incontournable Brian Wilson des Beach Boys, un album intitulé I Just Wasn't Made for These Times. Ça date de 95. J'y ai retrouvé notamment le Caroline No, qui figurait déjà dans le Pet Sounds des Beach Boys de 66. Voilà, je vous propose les deux versions, l'une après l'autre, histoire d'aiguiser vos oreilles. Bye. finding you again. The things that made me love you so much then, could we ever bring them back once they have gone? Oh, Carolina, j'avoue très humblement être passé à côté de ce chef-d'œuvre d'Electric Light Orchestra, Electric Light Orchestra, Eldorado, qui date de 1974. Dont acte, et voici donc un extrait de cet album. I can't get it out of my head. Laurent Voulzy, chez nous, a une réputation de très bon musicien. De là à imaginer qu'il allait un jour nous créer un album de rock progressif, c'était du rêve. Un rêve qui a été réalisé en 2011 avec un album intitulé « Liss and Love ». Voilà deux morceaux enchaînés. « Liss and Love ». many ways to love each other? Probably one. How many ways to live together? Probably one. How many truths behind the stars? Probably one. Probably one. To live together, probably one. How many truths behind the stars? Probably one. Everywhere, where is love? Allez, on aborde maintenant les nouveautés. Les Norvégiens de Magic Pie sont de retour avec un album intitulé Maestro. Et c'est effectivement un coup de main de maître. Maestro de Magic Pie. I heard music of unknown dimensions. Notes were flying, one and all with passion. Then the silence would fill the hall. I found him by his piano, staring daggers through the wall. Maestro, to let it go. My time's run up, you know. I feel I had the flow, but at the end there is still one missing chord. Oh, how simple factors would be his claim. But with the curtains drawn, I saw fear in his eyes, felt his despair. I have to go away. Dear boy, I hope and pray that life will treat you fair. Farewell, take care. Silhouette dancing with the devil. was fire in their eyes. A schoolboy said he'd seen him jump from the cliffs. Yeah, the mighty ocean seemed to swallow him whole until he came up floating stiff. Fake or true, no one knew. Never paid the bill. The priest swore I took his confession, and just before he disappeared, and I cried just as well the king and queen never knew about that missing corn. But I have faith, and that's my sin. Thank you. to the mighty On continue avec la Norvège et un album d'Oak, O-A-K, intitulé The Third Sleep. The Third Sleep, le troisième sommeil. Patience running low, the wheel is still turning. Desperate and slow, a heart that's still yearning. Morning never came, there's stars in the water. We'll be right back. Je suis tout fier de passer sur cette émission, sur ces ondes, le premier opus des Lyonnais de Odd Leaf, O-D-D, L-E-A-F, la feuille bizarre, étrange, des Lyonnais que j'avais eu le plaisir de voir fin 2024 et début 2025. Voici leur tout premier opus et j'insiste, il est superbe. Un opus intitulé « Where Ideal and Denial Collide ». Where Ideal and Denial Collide. Tout de suite, Odd Leaf. We'll be right back. On retourne en Norvège et aussi on remonte le temps avec un album de 74. Un album produit par le groupe Popol Ace. Popol Ace. Et un album intitulé, je trouve c'est tout à fait de circonstance, Stolen from Time. Stolen from Time. Popol Ace. Thank you. tears in your eyes. You're trying so hard not to cry. But what makes you feel the birth of a tear so near and commonly clear? Is God with the blue moldar for never to reappear? See the shades of our minds surviving the shadows of time. When sorrow and pain would always remain insane if nothing is gained. Now life teach us how that's all or nothing's in vain. Questions and doubts floating upon your waves, blinding and forgotten days, when all was yet to come, when someone made you run into life's reality. Daffodils in the morning sun upon a hill. Simple songs of red and rose and ancient dreams will linger on. Well-known sounds from fairy tales keep reminding me your feelings. You can count your principles, creating agony. Sailor Free. Sailor Free. Eux, malgré leur nom, ils sont italiens. Et j'ai craqué également leur troisième volume de Spiritual Revolution. Spiritual Revolution est sorti. Et je vous propose carrément trois morceaux de Sailor Free. Once life myself to be tight and my piercing to fit right. Need a clean new pair of shoes. With my dirt I fix my boots. Sometimes I pray, I wish I could say to work and find my way. For my well-established fears, use and organize my tears. Sometimes I play. God save us. incontournable. Incontournable. Je veux parler du nouvel opus d'IQ. Oui, oui, oui, ça vient de sortir et ça s'intitule Dominion. Dominion. IQ, et c'est tout de suite sur Progapart.

On part maintenant dans le cosmos, je plaisante, c'est le titre de l'album. On part au Pérou avec un groupe fort talentueux intitulé Flor de Loto. Flor de Loto, Cosmos, leur nouvel album sur Prog à part, bien sûr. Ils sont britanniques et ils ont un nom de groupe imprononçable, à coucher dehors, comme on dit à Lyon, puisqu'ils s'appellent Hats Off Gentlemen It's Adequate. Hats Off Gentlemen It's Adequate. Ils sont très prolifiques et voici The Uncertainty Principle. The Uncertainty Principle, c'est tout frais, ça vient de sortir. Tout de suite, les Hats Off Gentlemen. Thank you. Je voulais réparer une petite injustice sur le plan musical, j'entends, avec un morceau de Noir Désir, extrait de leur dernier opus sorti en 2001, intitulé « Des visages, des figures ». Tout de suite, Noir Désir. Disparaître en main. Kewenka, Kewenka, K-E-W-E-N-K-A. Ils font pas vraiment du progressif, mais c'est de la musique de qualité. Et en plus, c'est des Lyonnais, des gens de la région lyonnaise. Donc, deux raisons pour les soutenir. Leur album, sorti en 2021, s'intitule Adama. Adama, tout de suite, Kewenka. Embrassée par la mémo toujours, brumeuse et glaciale, point d'horizon à jamais. Au sol des singes, les cerquilles, mémoire courte et savoir fort, et j'en suis. Adama, Adama, mon peuple élu, Adama, Adama est un record, on s'adore. À nous, Dieu créateur, nous a choisi élever. Nos parias sont les infras des singes perchés. Qui se donnent des airs en méprisant les fourmis, qui elles aussi ont des esclaves et des ennemis. C'est gênant d'être au-dessus. À la longue, on s'habitue, Dieu merci. Une histoire de gêne que l'on modifie. Dans la ville de Ruzellam, un livre, un seul, le vrai, l'alliance. Adama, Adama nous l'inspire. Adama, Adama, les chefs témoignent. Un jour, une inconnue, un jardin qui, venu des eaux, sorti d'un arbre creux, foula la main et dit, je suis le seul qui élu vive dans la peur comme ici. Je prône l'amour et la connaissance. Air qui vos offrandes sont des pillages. Toutes vos croyances sont des mensonges. Vos dieux des singes cornus en avance. Appelez-moi Prométhée, et pendant 11 jours, ah, le discours devient rumeur à la vitesse de la lumière. Prométhée s'éteint dans une brûlure, celle du dragon, une pipe prend l'alliance, et une maladie ravage Adama. Ça dure longtemps, ah, nous c'est qu'un bon Dieu Satan. Tard, une poignée d'air qui les rescapés retrouvent non loin de Ruzellam, cité de la Renaissance, l'Alliance. Un chapitre raconte comment à nous libéra les air qui Adama, Adama en l'Alliance, Adama, Adama toute confiance. Prométhée des peintes comme un dieu serpent, démoniaque et dangereux, qui vécut jadis. Des airs qui doutent mais craignent la milice, puis on doute de soi et on croit nos dirigeants. Oh, l'amour mord le vin, hormis pendant les rituels clandestins. Ainsi s'écrit notre destin. Air qui en transe commence à voir sa propre vie dans le brouillard. Air qui en transe dans la lumière des horizons qui se libèrent. Air qui en rêve se voit flotter, sachant nager, il s'en irait. Air qui en brève s'entraînait, sachant nager, là il saurait. Adama, Adama, sois le si, Adama, Adama, ce que l'on est. Adama, Adama, nous le sait, Adama, Adama, mais c'est à nous. Adama, Adama, de le percer, le secret, oui, c'est à nous. Oui, c'est à nous. Il va être en concert à Lyon. Mais de qui je parle? De Steven Wilson. Et pour vous donner envie d'y aller, au cas où vous auriez encore des hésitations, ce dont je doute fort, je vous propose un extrait de son album sorti en 2023 intitulé The Harmony Codex. Steven Wilson. It seems I'm miles above the surface of the earth. I can see across the whole of London and beyond. Lights from a thousand cities. Towering buildings in far-off places. Ships and thunderstorms at sea and beyond. A trillion stars in a billion galaxies. I gaze out across the millennia it took the lights from these stars to reach the Earth. I close my eyes and breathe. Thank you. I came here searching for something. But I don't remember what that thing is anymore. Did I dream you? Or are you dreaming me now? As your waking thoughts gradually take over, as all dreams are ultimately forgotten and lost.